C'est un petit bout de France en Amérique du Nord. Situé à plus de 4000 km de la métropole et à seulement 25 km des côtes canadiennes, les îles de Saint-Pierre et Miquelon n'en sont pas moins françaises. Aujourd'hui, l'archipel lutte pour sa survie. La pêche intensive a épuisé les bancs de poissons qui constituaient la principale ressource des îles françaises. En 1992, le Canada s'entend avec les autorités françaises pour suspendre la pêche de la morue. Depuis, l'économie de l'archipel est sinistrée. Régis Andédoué est le cofondateur du collectif Saint-Pierre et Miquelon Canada. Après 92, j'ai vu plein d'amis qui étaient des marins, pu avoir de travail. Et ils étaient là, c'était fini, il n'y avait pas d'autre emploi. La découverte de gisements de gaz et de pétrole au cours des années 80-90 dans le nord-ouest de l'océan Atlantique a redonné espoir à la population locale. Pour pouvoir exploiter ces ressources, le gouvernement français a la possibilité de demander à l'ONU, avant le 13 mai, un élargissement de la zone d'exploitation des fonds marins autour de Saint-Pierre et Miquelon. Seulement voilà, le plateau continental français, s'il était accepté par l'ONU, devrait empiéter sur l'espace canadien. La réaction d'Ottawa ne s'est pas fait attendre. Le ministre canadien des Affaires étrangères a fait savoir qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires pour défendre le Canada face aux prétentions étrangères. Annick Girardin est la députée de Saint-Pierre et Miquelon. Il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on puisse hypothéquer comme ça parce que les Canadiens nous refusent l'avenir de Saint-Pierre et Miquelon. Évident que on aura une partie qui correspondra à la grosseur de ce que l'on est, mais on y a un droit à cette partie. Pour les habitants de l'archipel, l'avenir de Saint-Pierre et Miquelon repose sur l'extension du plateau continental. La population a adressé une chanson au gouvernement français pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur l'avenir de Saint-Pierre et Miquelon. Nous voulons affirmer en chantant, oui. La France est aussi outre-mer. Oui, la France est aussi à Miquelon. Oui, la France est aussi à Saint-Pierre. Pas question de baisser pavillon. Au Canada, Damien Bertrand pour France Info.